Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'émission Livresque Préface pour parler bouquins autour de thèmes variés, tout ça avec des propositions musicales. Et le thème aujourd'hui, c'est la vieillesse. C'est parti! Vieillir n'est pas une partie de plaisir, on s'en doute. Perte de motricité, de mémoire, de proches, beaucoup de pertes, mais aussi des moments de partage avec des proches ou des inconnus. Pour parler de ce thème, j'ai sélectionné deux romans, Les Gratitudes de Delphine de Vigan et Même les méchants rêves d'amour d'Anne-Gaëlle Huon. Ces deux ouvrages parlent d'une même chose, l'héritage de deux vieilles dames. Même les méchants rêves d'amour d'Anne-Gaëlle Huon est un roman de 2019, édité par Albin Michel, que je remercie pour cet envoi et cette découverte. L'histoire se concentre autour de Julia, la petite fille de Janine, dont la mémoire s'enfuit. Janine fait des listes de toutes sortes pour se souvenir de ce qu'elle aime et déteste, surtout pour se souvenir d'elle-même. Mais au-delà de ces listes, Julia va aussi découvrir des carnets de sa grand-mère qui lui semblent être adressés. Ces carnets écrits alors que sa mémoire la quitte pour témoigner de sa vie, de ce qui lui est arrivé plus jeune et partager ses souvenirs. Julia va alors se retrouver plongée dans la vie de sa grand-mère et les zones d'ombre qui entourent son histoire vont l'amener à enquêter pour connaître la vérité. Entre souvenirs, amour, trahison et amitié, le passé et le présent se mélangent pour faire émerger l'histoire. Même les méchants rêves d'amour est un témoignage d'une vie, inspiré de celle de l'auteur qui nous transporte dans la Provence des années 40 et dans celle d'aujourd'hui. Ces carnets sont un héritage à ses proches, une trace laissée à ceux qui suivront et à ceux qui comptent surtout. Une histoire qui soulève aussi des problèmes encore contemporains, voire intemporels, que sont le mariage forcé, la violence conjugale, la jalousie, la famille, l'amour impossible. De plus, les écrits de Janine sont un lien entre les personnes qui l'entourent. Julia est encouragée dans sa quête de vérité par l'assistant de vie de sa grand-mère, Félix, et la meilleure amie d'enfance de Janine, Lucienne, lui est aussi d'une aide précieuse pour reconstituer cette histoire. Donc plus qu'un lien entre la grand-mère et la petite fille, c'est aussi un lien entre toutes les personnes qui entourent la vieille dame. Et plus qu'un témoignage, c'est une incitation à la découverte. Janine se livre à Julia par le biais qui lui correspond le mieux, l'écriture. Voilà un petit peu pour Même les méchants rêves d'amour. Et avant d'entamer une présentation des gratitudes de Delphine de Vigan, on va faire une petite pause musicale avec un titre de Barcella, qui est un auteur-compositeur-interprète rémois. Ça s'appelle L'âge d'or et c'est très doux et à la fois très puissant. Je vous laisse écouter. C'est l'époque des pansements et du mercurochrome. L'époque des mamans, j'ai peur des fantômes. Le temps des jeux de main et des bâtons de glace. Des oreilles de lapin sur les photos de classe. L'époque des mocassins qu'on t'oblige à porter. Lorsque tous tes copains ont des baskets aux pieds. Le temps des trousses de billes et des boules de chewing-gum. Les petits Playmobil deviendront des bonheurs. Pourtant, les tranches de pain d'épices me manquent maintenant. Les années me trahissent. Avec nos grands cartables de soldats de plomb, nous récitions nos fables sans y mettre le ton. La confiserie du coin était la terre promise. Nos caries valaient bien ces quelques friandises. On collectionnait tous les vignettes Panini. On se soufflait en douce les rimes des poésies. Dans le dos des copains, quelques poissons d'avril. On marquait nos destins à l'encre indélébile. Pourtant, les bâtons de réglisse me manquent. Maintenant que les années me trahissent. C'était corde à sa tête, de l'encre plein les doigts, des pyjamas rayés, de la barbe à papa, des vélos sans roulettes et des cabanes en bois, des vendeuses d'allumettes, des il était une fois. C'est des fautes d'orthographe, des histoires de Tintin, des boulettes, des gaffes, des balades en patin, des toboggans rouillés et des luges en carton, des ballots prisonniers, des nuages en coton. C'est des marchands de sable, des châteaux de fortune, c'est des capitaines flammés, des pierrots la lune, des bottes de jaboté, des cahiers de vacances, des meringues au goûter et des crêpes du dimanche, des clowns de cirque crus, des masques de Zorro, des cumulonimbus et des chapi-chapeaux. C'est des maisons hantées, des champs de tournesol, c'est nos prénoms gravés sur les pins de l'école. Voilà, c'était l'âge d'or de Barcella. C'est très touchant et très nostalgique, je trouve, comme chanson. Un peu comme la nostalgie qui habite une autre vieille dame, Mishka, qui ne perd, elle, pas la mémoire, mais qui perd les mots. Dans Les Gratitudes d'Delphine de Vigan, qui est sortie en 2019, on découvre cette vieille dame, Mishka, qui inverse les mots, qui les oublie, les remplace, en crée d'autres. Du coup, il est un peu trop dangereux pour elle de rester seule chez elle, et elle est transférée en maison de retraite, où elle va recevoir l'aide d'un orthophoniste qui s'appelle Jérôme, afin de ralentir la perte irrévocable de ses mots et lui permettre de finir ses jours sans cette crainte de ne plus être capable de parler, surtout de façon logique. Ils vont échanger et partager une expérience unique. Marie, qui est une proche de Mishka, accompagnera aussi ce suivi en apportant son soutien et surtout sa présence à la vieille dame. Ce qui était assez touchant dans ce livre, une fois de plus, ce sont les relations humaines et la poésie qui passe par les mots. Les mots sont un remède et à la fois une menace pour les protagonistes. Ils sont un lien, mais ce lien n'est pas éternel, comme le prouve Mishka. C'est un très beau récit qui donne vie aux mots du roman. On entend plus qu'on ne lit le livre. C'est un ouvrage qui se lit à voix haute, je pense. Ce que je n'ai pas fait, mais je pense que ça peut être très intéressant de le lire à voix haute. En plus, le fait que les mots s'échappent remet en question tout l'acte de l'écriture. Comment écrire sans les mots? Et si on en invente de nouveaux mots, comment s'adapter à cette nouvelle langue? Et surtout, si on se met à la place de Mishka, lorsqu'on lit ses expressions, lorsqu'on se fond dans ses phrases et dans ses mots rabibochés, on se confronte aussi à ses difficultés d'expression, à ses peurs de perdre tous les mots. Donc c'est une expérience humaine au-delà d'une expérience littéraire. Pour compléter un petit peu cette lecture, on va écouter un titre de Boulevard Désert qui s'appelle Mamie et qui relate très bien ces liens humains. Je vous laisse apprécier, à tout à l'heure. Comme on respire, mamie parle du temps. C'est pas si pire ce grand soleil, ce petit vent. Comme on respire, mamie nous fait la météo. N'a rien à dire mais nous prévient s'il fait trop chaud. Quand on se fâche, mamie surveille et surtout guette. Le cours des nuages, elle aurait pu être thermomètre. Quand ça s'engueule, mamie évite et fuit l'outrage. Débarrasse-elle et s'en va plus loin de l'orage. Elle prend pas part, mamie, elle dit qu'elle comprend pas toutes ces histoires, même si ça anime les repas. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge. Et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison. Loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons. Comme il est tard, mamie souligne, elle a raison. Qu'il fait bien noir et surtout froid pour la saison. Comme c'est marrant, milieu de rien, mamie savoure. Tous les instants, mamie, elle connaît bien l'amour. Comme d'habitude, mamie sifflote en petit air. Finit sa flûte et se lève comme un courant d'air. Elle est légère, mamie, elle est comme le vent. Serre le dessert, elle fait la pluie et le beau temps. Elle prend pas part, mamie, elle dit que c'est pas pour elle. Mais elle se marre, elle adore quand c'est le bordel. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge. Et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison. Loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge.